J'ai comme l'information autrement. Vous écoutez J'ai comme Média. Voilà, nous sommes avec Malang Souane, coordonnateur régional de la COSIDEP ici à Tambacounda. Alors, Monsieur Souane, vous préparez le concept Ubitei Djangtei. Parlez-nous un peu de l'historique de ce slogan. Merci beaucoup, Monsieur Ba, de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir parler un peu de la campagne de sensibilisation Ubitei Djangtei. Cette année, c'est la 7e édition. Donc ça veut dire que ça a démarré depuis 2013 jusqu'à 2020, ça fait 7 ans. Donc le constat a été fait par la COSIDEP sur la non-atteinte du quantum horaire. Surtout à l'ouverture, les pertes de temps qui ont constaté à l'ouverture. Quand on fixait la date de l'ouverture, avant de démarrer les cours, on pouvait facilement perdre le mois d'octobre. Donc, or que, pourquoi nous perdons ce mois d'octobre-là? Donc, c'est à travers ce constat que la COSIDEP a lancé le slogan « Ubitei Djangtei ». En 2013, on était seul. Les gens disaient que c'est un rêve, c'est un slogan de plus. De 2013 à maintenant, on a vu que l'État a même pris la chose en main. Ce n'est plus pour la COSIDEP, on s'en félicite. Ça veut dire que c'est ça l'utilité même de créer des choses. Quand tu crées une chose, elle, les gens voient que ce que tu as créé, c'est vraiment utile et que c'est faisable dans ce pays où nous sommes. À partir de 2016-2017, ils choisissaient même des écoles. Pour chaque IEF, on donnait à chaque IEF de choisir des écoles pour appliquer ce slogan « Ubitei Djangtei ». Mais au-delà de ça, les écoles qui sont aux alentours de cet établissement choisi appliquaient même Ubitei Djangtei. Donc c'était réussi en quelque sorte? Non, c'est une réussite actuellement. Ce n'est plus un slogan, c'est devenu maintenant une réalité. L'ouverture passée, on a choisi des écoles, mais à Tamba où nous sommes, toutes les écoles ont appliqué Ubitei Djangtei, même dans le monde rural, c'était réalisé. Donc, on ne peut que s'en féliciter de cette belle initiative-là. Voilà. Cette année, vous déroulez ce programme avec des partenaires. Justement, revenez avec ces partenaires-là. Oui, parce que cette année, c'est une année particulière. On dit Ubitei Djangtei pour des écoles salubres, sûres et fonctionnelles. Quand on parle de salubres, sûres et fonctionnelles, c'est à cause de cette pandémie aussi qui est là. La COVID-19. Parce qu'on a fermé les écoles à cause de cette pandémie, on les a réouvertes avec des mesures barrières qu'il fallait respecter pour les enseignements apprentissage. À l'ouverture de l'année scolaire 2020-2021, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc c'est pourquoi la COSIDEP a dit qu'il faut des écoles salubres, sûres et fonctionnelles. Mais nous, on s'en félicite à Tamba ici. Comme je l'ai dit au départ, dès les premières années, nous étions seuls. Mais cette année, depuis l'année passée, on a eu des partenaires. L'année passée, c'était avec le mouvement parental qui est venu en apport, en soutien, et aussi l'Union des CGE. Et cette année, nous avons eu deux de plus, c'est Enda Jeunesse Action et l'Association des femmes enseignantes de Tambacounda. On se félicite vraiment de ce partenariat. Ils ont compris l'idée de cette Ubitei Djangtei. Parce qu'on parle de campagne de mobilisation. Donc, c'est tous les acteurs, tous les partenaires, que ce soit technique, financier, les ONG, la société civile, on en fait appel à tout le monde pour que ce slogan soit plus même qu'une réalité. Que ça soit maintenant un vécu, un quotidien pour nous, membres du système éducatif. Donc, on se félicite de ce partenariat parce que ENDA, c'est à travers une rencontre qu'ils nous ont permis et ils ont accepté de venir participer à cette mobilisation citoyenne. Association, la même chose pour l'Association des femmes enseignantes. Mais aussi, nous remercions l'inspection l'inspecteur d'académie et aussi l'inspecteur de l'éducation et de la formation. Parce qu'à chaque fois qu'on les sollicite, à chaque fois qu'on les informe, ils apportent leur soutien. Donc voilà ce qu'on pense sur ce partenariat. Et cette année, pour une première, nous allons organiser 2 caravanes à Tambacounda. D'habitude, on organisait une seule caravane, c'est à la veille de l'ouverture des élèves. Mais cette année, nous allons organiser 2 caravanes. Aujourd'hui aura lieu la première caravane, c'est demain l'ouverture du personnel enseignant. Et le 11, il y aura lieu la deuxième caravane, à la veille de l'ouverture des élèves. Justement, par rapport à la préparation de la caravane d'aujourd'hui, quel est l'itinéraire et l'objectif que vous visez? L'objectif, c'est que la population soit sensibilisée plus, davantage. Parce qu'il ne faut pas qu'ils prennent comme prétexte, surtout nos parents, en disant que je n'ai pas d'argent pour inscrire mon élève. Je n'ai pas de cahier ou bien de sac pour mon élève. Ça ne doit pas être un alibi. On l'a dit à l'élémentaire, on ne parle pas d'inscription. Donc là, l'élève peut aller. Le moins secondaire, il y a une inscription, mais ce n'est pas obligatoire à l'ouverture. Un parent qui n'a pas d'inscription peut amener son enfant, peut laisser son enfant aller commencer les enseignements à apprendre dès le 11, dès le 12 du moins, mais après, il pourra voir faire l'inscription, parce que c'est un délai qu'on les donne. Donc, ça ne doit pas causer problème. Il faut que les parents sachent que le 12, les élèves doivent démarrer les enseignements apprentissage. Il ne faut pas qu'il y ait cet alibi, ce motif pour retenir les enfants. On sait que dans le monde rural, on utilise les enfants dans les travaux champêtres. Même ici, en ville, ce sont les enfants qui aident leur maman dans le ménage. Ce sont les enfants qui aident leurs parents, certains parents dans les ateliers. Mais quand il y a ouverture, c'est l'ouverture. Il doit laisser les enfants aller commencer les enseignements apprentissage. Parce que, comme on l'a dit, c'est une année très particulière. On démarre les enseignements le 12. Le mois d'octobre est parti. On a perdu un mois. Le 12, c'est mi-novembre. On a perdu 2 semaines du mois de novembre, en quelque sorte. Donc, qu'est-ce qui va nous rester? Vous voyez? Donc, cette année, une seule journée perdue, je crois que ça va impacter sur le canton horaire, mais surtout sur l'enseignement apprentissage pour les élèves. Donc, l'itinéraire, c'est les grandes artères, surtout les quartiers périphériques de la ville, mais aussi, nous avons des points focaux au niveau de chaque département. Eux aussi, ils ont commencé la même chose, avec le partenariat des radios communautaires. Il y a un spot publicitaire qui a été fait, que les gens sont en train de véhiculer dans les radios pour continuer la sensibilisation partout où il y aura de besoin. Donc là, l'itinéraire, elle est donnée. Et la cérémonie de départ aura lieu ici à l'inspection d'académie sous la présence de l'inspecteur d'académie, que nous remercions de passage pour sa disponibilité. Quel message lâchez-vous aux acteurs de l'éducation par rapport à ce slogan « Obitei Djangatei » ? Qu'ils s'approprient plus davantage ce slogan et qu'il permet de faciliter l'application. Parce que la COSIDEP n'a pas d'école. C'est une organisation de la société civile. Ce que nous pouvons faire, c'est faire des propositions. Donc là aussi, il y a des partenaires techniques, financiers qui sont là, qui peuvent accompagner les écoles. Surtout, je l'appelle un appel au mouvement Nawetan, à travers son président, le président de l'EDECAF, Sambou Soubanou, qu'on peut réussir cela si on fait une école, une AEC. Dans les quartiers, il y a des AEC. Ces AEC peuvent le faire. Ils le faisaient autant. Donc, cette année, on aura plus besoin d'eux. Mais aussi, les Badjenougor. Là aussi, ils peuvent jouer le rôle pour des écoles sûres, salive, mais aussi fonctionnel dès les premiers jours de la rentrée. Nous sommes avec Malang Souane, nek coordonnateur COSIDEP. Malang Souane, vous avez dit un slogan que nous avons dit aujourd'hui. Est-ce que vous avez dit un slogan que vous avez dit aujourd'hui? Et comment vous avez dit? Je vous remercie. Opportunité que nous avons dit pour nous avoir tout ici Obitei Djangatei. Obitei Djangatei, nous avons connu depuis 2013, ça fait 7 ans. Nous avons ici 7e édition. Nous avons dit que nous avons Obitei Djangatei. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit mais je crois fu mu nek ni ñom xam nañu ubité jangaté nekatul gënt nekatul wax réalité la té mën na nek Sénégal parce que so xolé si atu ñëkke ko si def kessé mo si doon xar tank tubéw di sensibiliser di si wax pour ñetti mëna def ubité jangaté mais 2016 ba légui état nangunako xamna ni li mën na nek nangunako té fu mu nek mo koy dérouler parce que so xolé depuis 2017 dañu don tan dañu nan IEF bu nek na tan ay école yo xamantene fofu lañ koy essayer lancement bi mais légui je crois que depuis daw bayne lool école yep lañu tan même école yi nek ci monde rural bi ñu ngi def ubité jangaté donc ñu fait gërem ñep di sante ñep ñu ci japp ñu leen di gërem di leen sante xamna ni li mënon na nek té fu mu nek ni ken lam lamé ko ubité jangaté nek na réalité fi ci Sénégal surtout Tambacounda bu ñu nek ni ngeen ci and ak ay partenaire rawati na atum leen bi est-ce que mu nga ñëwaat tout ci partenaire yi waaw parce que atum yi ñëkki ñun dong ñu ci nekkon comme namo ko wé ñoo do xar suñu tank tobé mais so xolé depuis daw amon nañ partenaire ak mouvement parental ak union des CGR ren ñu am tamet en plus de ñu ma limni ñu am enda jeunesse action bu ñëw di jappalé ak association des femmes enseignantes ñu leen ci gërem ci partenariat bi ça veut dire ñom gëm nañ ko xam nañu mën na nek té mu ngi nek na bok paré donc partenariat bi amna solo lol parce que c'est la synergie des partenaires des acteurs du système lol mo ñu mëna jappalé ça pour école publique bi surtout mëna trouver place parce qu'amna solo donc partenariat bi ñu ngi leen ci gërem di leen sante parce que ren so xolé d'habitude ben caravane kessa lañ doon def suñu def ubité jangaté mais ren ñaar caravane lañu def tay moy premier caravane bi le 4 le 11 moi ma deuxième caravane bi donc pour caravanté bi dañuy def itinéraire moy dañuy dem ci quartier yu périphérie surtout ak centre-ville sensibiliser population bi né len à école mu ngi waja ñoo suba enseignant ñoy ubi donc le 11 nañu baye suñu doom yi dem jangé et le 12 du moins parce que école ubi na donc ren année la bo xamantene ñepp xam nañ année bu particulière parce que so xolé ñi nek ci classe intermédiaire yi moy nek ci classe yi avant classe examen yi tok na ñaata wër janguñu ñu nara commencé wat donc dina metti lol donc war ñu nangu ren ñu ñak sa ben journée ci année scolaire donc lol mota il faut que ren dès le 12 ñu mëna démarrer enseignement apprentice ñang ak jangale bi ban thème ngeen choisir ren moy dañu né école yu set yu woor yo xamantene suñu démarrer rek mën nañu commencer enseignement may lancer appel surtout collectivité locale moy maire maire Tamba moy daw buñ ko demone solliciter pour fond bu muy mettre à la disposition des écoles il a réalisé positivement wo nañ ko dafa voyager neku fi mais gis nañ secrétaire général am jël nañ rendez-vous ak mom pour mëna jappalé école parce que il faut ñu jappalé école ñu mëna mbéy ño xamanté dañu ré abri provisoire ñu mëna défar sen abri provisoire yi mëna am le nécessaire surtout pour mesure barrière yi moy ay lave mais ay gel ay masque donc ñu koy wo ak tamet état fonds de fonctionnement bu muy mettre à la disposition école ren bu lek dafa tardé ñogul da heure bi fekkon na ñona yoy permettre na école yi mëna bay directeur yi ak parents d'élèves ñu mëna bay école yi mais ren fu mu nek ni ba légui fond bi ñew té dafa tardé ouverture parce qu'on parle d'ouverture il faut pas ñu connait ouverture élève mais ouverture enseignant rek monte na école bi na parce que enseignant suñu commencé démé ko rek école commencé na donc il faut que état xol nu ñu mëna jappalé pour mettre sur place fond bi mëna jappalé école ak tamet le conseil départemental ñi wo ñep ño xamantene mën nañ ci japp pour affaire mëna dox ñu ngi leen di wo le mouvement navetat parce que cosidé buñu défone sen panel tiers moy sen luñu nan nos vacances pour l'école dañu prouver nan école bu nek ben AIC moy lan xam nga ni quartier AIC ño fa nek donc ñom mën nañ ci japp dem jappalé école directeur yi wala proviseur bi wala principal ñu mëna bay école bi ñom nek sen contribution à travers son président Samousmane ñu ko yo pour mëna sensibiliser président AIC ak jeune nek ci quartier ak tamel ba jenn gox yi bu ñu len faté ñom tamé ñu ngi fi té mëna ñu bay sen waar pour mëna jappalé ki école yi quoi. Ban message ngay lancer ñi nga xamanteni ñom ñoy ëmb école yi mo xam wayjuul yi ndongo yi jangale kat yi ba ci partenaire né len buñu té xalé yi naan am ñu inscription buñu té xalé yi naan am ñu fourniture cahier bu mu yoron daw mu nako utiliser pour bu démarrer année scolaire parce que daw luñu jang bëré wu non sen cahier jéxul mu nañ utiliser sen cahier daw pour ñu mëna démarrer année scolaire bala ñu am lo xamantene mën nañ jënd ouvert fourniture ak inscription parce que inscription waru nek galancor pour té sa domné au moins inscription waru dem école dedet lo waru nek blocage élémentaire waxtu ñu inscription c'est si moins secondaire lañu inscrit fofu dañ lay jox fourchette ça veut dire que fi bu janvier para mën régulariser inscription mais c'est pas son ouverture tak nga fait dedet so amul bay sa dom dem waro té dom né aw ma inscription donc loolu ñu leen di ñaana tamé né wax deug yalla fu mu nek ni école bi na ligé commencé na té ñuy remercier enseignants parce que gis né sen engagement sen mobilisation parce que suñu ubité jangété du suñu ñom chaque fois ubité jangété côté ñun population ñut parents d'élèves ñul parce que ñun ñoy té suñu dom mais enseignants ñom chaque fois ñu ngi sur place. Demain, dès le 5, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème, manque d'enseignants de Nioul. Même si Nioul, ils sont justifiés dans l'autre Nioul. Donc, nous sommes dans le centre si c'est un engagement. Bon. Voilà, je suis Malang Souane, nous sommes le coordinateur de COSIDEP ici à Tambacounda.